personne humaine est une forteresse inexpugnable. À mon avis, il faut être toujours prêt à donner et à recevoir. Écoutez. Avec la même grâce. Vous êtes sur France Culture. La radio. France Culture. Le feu teinte dans les cloches. Vous écoutez. Douce est la parole. France Culture. La radio. La clé des nuits légères enchaînées au cœur des vous filles. Écoutez France Culture. Vous écoutez France Culture. Vivez avec France Culture. L'éloge du savoir. Éloge du savoir. Aujourd'hui, le Collège de France. Le cours que nous propose cette année Mireille Delmas-Marty, intitulé « Les forces imaginantes du droit, le pluralisme ordonné », prolonge celui de l'an dernier qui portait sur les forces imaginantes du droit, le relatif et l'universel. Si le propos diffère, la démarche et la recherche, elles, se poursuivent. Il s'agit bien, en effet, d'imaginer des solutions souples et cohérentes qui ne seraient ni totalisantes et fermées, ni complètement disparates et impossibles à unifier en matière de droit international. Pour Mireille Delmas-Marty, qui a publié sur le flou du droit, il s'agit, encore et toujours, d'articuler l'un et le multiple et d'inventer les rouages qui autorisent leur irrigation réciproque. Face à la globalisation, qui rouille et coince cette articulation souple, elle tente de dégager un projet commun. Ce type de projet a existé après la Deuxième Guerre mondiale. C'est par exemple l'ONU ou encore la Déclaration des droits de l'homme. Mais pour toutes sortes de raisons politiques, ces projets se sont émiettés. Ce matin, Mireille Delmas-Marty, qui appelle de ses voeux un moment de stabilisation du droit international et tente de dégager des niveaux d'organisation, aborde la question de la mondialisation et pose les conditions qui permettraient une stabilisation pluraliste. Comment est-on passé du projet mondial aux objets mondialisés? Commençons par l'exemple des droits de l'homme, qui sont emblématiques de l'universalisme juridique. Il me semble qu'ils illustrent assez bien les propriétés à la fois positives et négatives de la segmentation, de la fragmentation. Car il y a leur répartition verticale entre l'espace national, régional et mondial. C'est une répartition qui avait été imaginée très consciemment par les rédacteurs de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qu'on retrouve dans les travaux préparatoires de la Déclaration. Et cette répartition verticale aurait dû faciliter dans l'esprit des rédacteurs une intégration pluraliste et évolutive. Le problème, c'est qu'au niveau régional, les choses n'ont pas évolué comme ils l'espéraient. D'abord, il y a la non-ratification d'une partie des instruments régionaux, je pense notamment à l'Amérique du Nord qui n'a pas ratifié la Convention américaine des droits de l'homme. Il y a la lenteur du processus, notamment en Afrique, on vient seulement de créer la Cour africaine des droits de l'homme. Il y a ailleurs l'absence persistante de contrôle juridictionnel, je pense à la déclaration islamique ou à la charte arabe. Et puis, ce qui est encore plus radical, c'est qu'il y a l'absence d'instruments régionaux dans toute une partie du monde, en Asie, au Moyen-Orient, en Asie-Pacifique. Et tout cela a donc affaibli le projet d'origine. S'ajoute à cet aspect institutionnel les effets paralysants de la séparation en deux pactes. Dès 1966, on a séparé les droits civils et politiques et les droits économiques, culturels et sociaux. Ce qui fait qu'on a permis en réalité des ratifications sélectives. Les États-Unis ont ratifié l'un des pactes sur les droits civils et politiques, la Chine a ratifié l'autre. Et cette séparation a ruiné le principe de l'indivisibilité, alors que le caractère universel ou universalisable des droits de l'homme n'est en réalité acceptable par tous que si tous admettent l'égale importance de l'ensemble des droits fondamentaux. Alors, du même coup, avec cette séparation, c'est toute l'architecture qui se trouve menacée. La Déclaration universelle, au fond, a perdu son rôle de boussole. Et l'espace juridique mondial s'ouvre à une fragmentation généralisée. C'est ainsi que le droit va se mondialiser autour des objets qu'il plaît aux plus puissants, je pense par là aux États, mais aussi aux acteurs économiques, de construire juridiquement, d'identifier d'abord et de construire juridiquement ensuite. C'est ainsi que le droit du commerce va bénéficier d'une juridictionnalisation rapide, mais à l'exclusion d'un droit de la concurrence qu'on préfère ordonner par le jeu d'une application extraterritoriale, au niveau mondial en tout cas, toujours plus extensive du droit des États-Unis, voire de l'Union européenne, plutôt que d'adopter une lex economica opposable à tous. On en avait parlé de ce point-là il y a 2 ans. Alors, il ne faut pas non plus caricaturer les choses. La fragmentation n'empêche pas que le rapprochement juridique autour de chaque objet spécifique puisse avoir des effets positifs. Je pense que la mondialisation du commerce mondial, du commerce amorcé par les accords du GATT, mais véritablement lancé par la création de l'OMC en 1994, a sans doute contribué à ébaucher la construction d'un état de droit en Chine. Je renvoie aux travaux des sinologues sur le vaste chantier qu'est devenu le droit chinois, déjà d'ailleurs avant l'adhésion à l'OMC et encore plus depuis l'adhésion. Mais avant l'adhésion, c'était pour préparer cette adhésion. De même, la mondialisation du commerce a favorisé l'adoption de positions communes au sein d'un certain nombre d'ensembles régionaux, à commencer par la communauté européenne, dont on sait qu'elle négocie directement avec l'organisation à la place des États. Seulement, en pratique, le degré d'organisation et la capacité d'intégration de chaque fragment de cet ordre mondial dépendent des moyens juridiques que les États acceptent de créer, et des partages de souveraineté auxquels ils sont prêts à consentir. Et ça, c'est très variable d'un secteur à l'autre. En matière de risques globaux, on avait parlé aussi l'année dernière des risques écologiques, des risques biotechnologiques, mais on peut ajouter les risques sanitaires ou les risques sociaux. La frilosité des États explique la fragilité des espaces juridiques à vocation pourtant mondiale. On sait que le droit de l'environnement reste sans organisation mondiale. On sait que le droit de la santé qui relève de l'OMS, comme le droit du travail de l'OIT, sont dépourvus d'un contrôle juridictionnel supranational. Alors, si l'on combine cette fragilité de certaines des constructions, de certains des objets, à l'isolement de chacun, le résultat, c'est de créer une dissymétrie au profit des espaces les mieux organisés, comme le droit du commerce, le risque étant d'instaurer une sorte de hiérarchie de fait en sa faveur, et de laisser les contradictions sans réponse. On a vu précédemment que la fragmentation horizontale était source de contradictions, par exemple entre le dispositif de Kyoto sur les changements climatiques et celui de l'OMC. J'en ai un petit peu parlé à propos des entrecroisements horizontaux. On sait que la principale contradiction tient au refus des États-Unis d'adhérer au protocole de Kyoto, alors qu'ils sont très présents à l'OMC. Mais il y a aussi le principe de différenciation entre les États qui est dans le protocole, qui est interne au protocole, qui est indispensable pour tenir compte des diversités nationales, mais qui a créé une distorsion interne et qui soulève plus largement la question de la compatibilité d'une approche mercantile de l'atmosphère avec le régime juridique du climat, qui serait une notion d'intérêt commun. Alors, c'est une question qui est transposable dans bien d'autres domaines. Je pense au domaine de la recherche médicale, notamment en ce qui concerne les vaccins et les médicaments, parce qu'il y a eu récemment, au mois de février, le 7 février dernier, ici au Collège de France, un colloque sur la question de la mondialisation, des effets pervers de la mondialisation qui impose des standards occidentaux, les normes ISO, International Standard Organization, au nom d'un universalisme qui refuse de tenir compte des spécificités nationales. C'est l'association MUR, Mouvement de la Recherche Scientifique, qui avait organisé cette rencontre tout à fait exemplaire en la matière. Et on a évoqué à cette occasion le projet de déclaration sur des normes universelles en matière de bioéthique qui a été élaboré à l'UNESCO par le Comité international de bioéthique de l'UNESCO en 2004. C'est un projet qui est intéressant parce qu'il pose un certain nombre de principes comme la solidarité ou la responsabilité à l'égard de la biosphère, le partage des bienfaits de la recherche scientifique et des applications de cette recherche. Il évoque aussi le rôle des pratiques transnationales. Donc l'UNESCO et les rédacteurs de ce projet sont bien conscients de la difficulté, mais ils ne la résolvent pas. Ce projet se situe à l'intérieur de l'UNESCO, il n'est pas transversal par rapport aux questions de commerce et aux questions de la bioéthique. Donc il ne dit pas comment concilier l'universalisme des droits proclamés par le texte avec le principe de diversité culturelle et de pluralisme qu'il affirme également. Il ne dit pas non plus comment concilier, comment coordonner entre les différents espaces UNESCO, organisation de la santé, organisation du commerce, propriété intellectuelle. Et enfin, il ne dit pas comment déterminer la responsabilité des opérateurs économiques privés en cas de violation de ces principes en matière donc bioéthique, en matière de recherche biomédicale. Ce qui m'amène à la remarque suivante, c'est que la fragmentation, je viens de donner simplement quelques exemples, n'est pas le seul problème. Avec la globalisation, notamment des flux financiers, des flux d'informations, le principal enjeu, c'est devenu peut-être la privatisation. La privatisation, donc au profit de sujets privés, sans projet commun. Alors, c'est un terme qu'il faut peut-être expliciter, ce terme de privatisation, parce qu'à première vue, il renvoie à une opposition entre les sujets de droit public, les États, les représentants, les collectivités territoriales qui défendent les intérêts publics communs et les sujets de droit privé qui défendent leurs intérêts propres. Mais ce qui est important aussi de percevoir, c'est que les nouvelles formes d'internationalisation font progressivement entrer les sujets privés sur une scène internationale qui ne se limite plus aux relations interétatiques. Mais en même temps, il faut voir que cette entrée en scène n'a pas la même signification pour tous les sujets privés. Et là, il faut faire une distinction entre la société civile stricto sensu et les pouvoirs privés économiques. Pour ce qui est de la société civile, on peut dire que certains de ses membres deviennent acteurs du droit international au nom de l'universalisme juridique. Ce sont les personnes victimes de violations pour les droits de l'homme. Elles peuvent agir contre un État à titre individuel ou collectif, mais évidemment uniquement si le recours est admis devant les cours régionales ou devant le Comité des droits de l'homme de l'ONU. Et puis d'autre part, d'autres membres de la société civile peuvent apparaître comme auteurs de crimes internationaux, notamment les crimes contre l'humanité, et à ce titre, devenir également acteur du droit international, mais cette fois dans la position plus inconfortable d'accusé devant les juridictions pénales internationales. En revanche, en ce qui concerne le pouvoir, disons, législatif, entre guillemets, l'élaboration des normes de la société civile, il est très limité. C'est la participation indirecte des ONG, des organisations non gouvernementales, à l'élaboration, c'est plutôt une pression à lobbying pour l'élaboration des normes mondiales ou pour la mise en place de structures judiciaires ou juridictionnelles. En revanche, du côté des pouvoirs privés économiques et notamment des entreprises transnationales, on voit que là, il y a un phénomène plus direct. Les entreprises deviennent directement producteurs de normes. On l'a vu il y a 2 ans avec le développement de la Lex Mercatoria dont j'avais longuement parlé. Et puis, on a vu l'année dernière, pour ceux qui ont suivi le séminaire qui a complété le cours, que les entreprises deviennent également partenaires à égalité avec les États par le jeu d'accords internationaux dans le domaine des investissements. Et là, c'était mon collègue de Paris 1, le professeur Leben, qui avait bien retracé les étapes importantes de ce processus, qui est très important dans la considération du rôle des acteurs privés dans le droit mondial. Il avait rappelé qu'il y avait eu un essai manqué entre 1970 et 1985 pour réglementer les entreprises transnationale, avec l'idée d'un nouvel ordre économique mondial et l'essai de rédaction d'un code international de conduite. La deuxième phase, celle qui débute à la fin des années 80, est en réalité marquée par tout autre phénomène qui est le développement du droit des investissements et l'accession des entreprises, le plus souvent transnationales, au droit international public. Alors, c'est un phénomène qui est favorisé par l'apparition des contrats d'État entre un État et un investisseur privé, et surtout, et c'est ce dont il nous avait parlé au séminaire, par la création du CIRDI, le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements. C'est une convention de 1965, une convention de Washington qui crée le CIRDI sous l'égide de la Banque mondiale. Alors, ça a été un grand succès. En 2002, cette convention avait été ratifiée par 134 États, dont la Chine, qui était longtemps restée pourtant hostile à ce type d'arbitrage. Et le succès est attesté aussi par le nombre de traités de protection des investissements qui renvoient à cet arbitrage. Ils sont passés de quelques centaines par an en 1990 à plus de 2000 en 2002. Alors, ce sont des traités le plus souvent bilatéraux, mais on l'a vu précédemment, la semaine dernière, certains traités multilatéraux comme l'ALENA pour l'Amérique du Nord ont également introduit le mécanisme. Et d'ailleurs, le projet de zone de libre-échange des Amériques envisage son extension. Alors, les commentateurs font valoir que cette accession à la sphère du droit international public des personnes privées investisseurs est d'une importance sans doute comparable à l'accession des personnes privées au droit international des droits de l'homme. Comparable, moi j'irai encore plus loin, je pense que c'est encore plus significatif parce que cet accès des entreprises à la justice couvre l'ensemble du droit des investissements. Il y a une interprétation extensive qui a été acceptée par les arbitres, selon laquelle n'importe quel investisseur, du moment qu'il relève d'un État qui a conclu un traité, on a vu que les traités se multiplient avec l'État d'accueil, peut attraire cet État devant un tribunal arbitral international, même s'il n'a pas conclu un contrat avec l'État concerné. Alors, par contraste, on peut s'étonner que la victime d'une violation des droits de l'homme, elle, ne puisse agir en justice que à des conditions très restrictives, dans une région où il existe une Cour des droits de l'homme et dans l'hypothèse où l'État concerné a accepté la clause du recours individuel et, troisième restriction, sans pouvoir mettre en cause les responsables privés des violations des droits de l'homme, mais uniquement les États. Il y a là donc une dissymétrie qui tend à s'accroître et qui est d'autant plus grave que précisément les violations des droits de l'homme ne sont pas seulement commises par des États, mais de plus en plus souvent par des entreprises transnationales auxquelles le mécanisme de recours individuel est inapplicable. Alors nous avions déjà eu l'occasion de voir dans le cours et dans le séminaire d'ailleurs l'année dernière que pour remédier à cette lacune, la non-opposabilité des droits de l'homme aux entreprises, il y a un projet encore modeste, car il est dépourvu de tout contrôle juridictionnel, mais c'est un projet normatif qui a été élaboré par la sous-commission des droits de l'homme à la session de l'été 2003 sous le nom de principes sur la responsabilité en matière des droits de l'homme des sociétés transnationales et autres entreprises. Mais Emmanuel Decaux, qui est le représentant de la France à la sous-commission, qui était venu au séminaire l'année dernière, nous avait expliqué, il était très blessé par cela, il sortait d'une réunion de la commission des droits de l'homme, qui au printemps 2004 a accueilli avec beaucoup de réserve l'avant-projet de la sous-commission. Et au printemps 2004, on avait décidé à la commission des droits de l'homme que c'était un avant-projet sans valeur juridique. Alors, on l'avait tout de même renvoyé devant le Haut Commissariat aux droits de l'homme. Alors, il faut savoir que, il y a peu de temps, c'est février 2005, le Haut Commissariat vient d'apporter un appui par le rapport que je cite dans la petite bibliographie, vient d'apporter un appui à ces principes. Donc, on peut espérer que le processus va se trouver relancé. Aucune garantie non plus. Ce qui fait qu'il reste qu'au stade actuel, cette double évolution par fragmentation et par privatisation de l'espace juridique est loin de garantir un quelconque rééquilibrage, mais au contraire, elle semble annoncer, à l'horizon de la mondialisation, un désordre croissant. Alors, à moins que le droit pénal parce qu'il est placé au confluent des valeurs marchandes et non marchandes, et parce qu'il est théoriquement opposable à tous, y compris les responsables politiques et économiques les plus puissants, à moins que le droit pénal ne réussisse à éviter à la fois la segmentation et la privatisation. C'est la question que je voudrais poser, c'est l'exemple donc que j'ai choisi d'un espace pénal en mondial en formation. En fait, il y a une sorte de paradoxe du droit pénal, je l'avais relevé d'ailleurs dans le cours l'année dernière. Le droit pénal se trouve désormais en première ligne de la mondialisation. Pourquoi est-ce un paradoxe ? Bien parce que traditionnellement, le droit de punir est conçu depuis l'époque moderne comme l'emblème de la souveraineté des États, et il est d'ailleurs limité pour l'essentiel par le principe de territorialité. Et en réalité, même si le droit pénal semble en première ligne, il est vrai aussi que l'obstacle de la souveraineté est loin d'être totalement levé, ce qui explique peut-être pourquoi, malgré un mouvement de criminalisation sans précédent, l'espace pénal mondial reste un espace en formation. Je l'ai appelé un espace en formation, à peine en formation. Malgré tout, il y a un mouvement qui est enclenché. Parce que, d'abord, la criminalisation semble imposée par l'universalisme des valeurs, qui conduit à sanctionner ce que le préambule de la Convention sur la Cour pénale, Convention de Rome, appelle les crimes internationaux les plus graves. Même si le fondement de ces crimes internationaux reste vague et la notion fort imprécise, le concept est quand même explicité par la liste des crimes qui déterminent la compétence de la Cour, autrement dit, qui fondent l'apparition d'une justice supranationale, et on sait que c'est quand même un événement qu'on ait adopté la Convention en 1998 et créé effectivement la Cour en 2002, la première Cour pénale mondiale permanente. En revanche, l'autre facteur de l'internationalisation, de la mondialisation, qui est la globalisation, a d'abord été associé à l'idée de déréglementation et à l'idée de mécanismes d'autorégulation, soft law, code de conduite, etc. Mais comme on avait eu l'occasion de le voir l'année dernière, cette globalisation ne conduit pas seulement à la déréglementation, parce qu'elle se traduit aussi par un mouvement de criminalisation. On a besoin que le jeu se joue à armes égales. On a besoin d'aplanir le terrain. On emploie l'expression, toujours en anglais, « level the playing field », pour que la concurrence se fasse dans de bonnes conditions. On a besoin de cela. Et pour y parvenir, les sanctions pénales sont sans doute plus efficaces que les sanctions administratives ou civiles. Ce qui fait que le libéralisme implique un retour vers le droit pénal, un peu comme si la globalisation devait se conjuguer avec l'universalisme pour favoriser une mondialisation pénale, au risque d'ailleurs de conduire à un surinvestissement pénal qui est déjà dénoncé par certains auteurs, qui notamment en matière de terrorisme se traduirait par l'affaiblissement des principes fondamentaux sans garantir pour autant une vision pluraliste. Alors ce risque me paraît d'autant plus préoccupant que les garde-fous européens que nous avons un peu examinés la semaine dernière ne sont pas directement transposables à l'échelle mondiale. Ce que nous avons vu la semaine dernière, c'est qu'à l'échelle européenne, la stabilisation est favorisée, facilitée par la construction bipolaire. La dualité transformée en bipolarité. Et l'équilibrage réalisé par les deux cours européennes. Et puis nous avons vu aussi que le pluralisme était inscrit dans le processus même de la construction européenne qui exclut, sinon toute tentation, du moins toute tentative hégémonique unilatérale. En revanche, à l'échelle mondiale, les tentatives, et pas seulement les tentations, existent. Et l'absence de Cour mondiale des droits de l'homme favorise des stratégies qui ne sont pas toujours cohérentes entre un unilatéralisme conquérant qui conduit à l'extension du droit pénal national, phénomène efficace mais peu légitime, et un multilatéralisme ambitieux, certes, qui fonde sa légitimité sur le droit international, mais qui a du mal à affirmer son efficacité, parce qu'il doit affronter le souverainisme ombrageux des États les plus puissants. Alors, regardons de plus près comment s'organisent ces stratégies unilatérales, multilatérales. Les stratégies unilatérales, elles sont d'autant plus difficiles à saisir qu'elles ne sont pas coordonnées entre elles, a priori. En France, par exemple, ou en Italie, globalisation semble d'abord rimer avec dépénalisation. En revanche, le Congrès américain a adopté en 2002, j'en avais parlé là aussi, la loi Sarbanes-Oxley, SOX, qui choisit une stratégie inverse de surpénalisation ou de surcriminalisation. Au fond, l'objectif, c'est de restaurer la confiance des investisseurs après la débâcle d'Enron, et on va pas y aller de main morte. On double les peines déjà prévues pour la présentation de comptes frauduleux à la Securities and Exchange Commission. Ce sont des peines qui vont aller jusqu'à 20 ans d'emprisonnement dans certains cas pour des délits de comptabilité et $1 million d'amende. On crée de nouvelles infractions comptables, on étend la responsabilité pénale à toutes les personnes impliquées dans la déclaration de compte frauduleux. Et cet effet de criminalisation est observable dans le monde entier dès lors que toutes les sociétés étrangères cotées aux États-Unis sont tenues de se conformer aux nouveaux standards américains. Alors, nous avions vu dans le séminaire l'année dernière comment la société pétrolière Royal Dutch Shell avait failli servir de cobaye en la matière à la suite de sa surévaluation en connaissance de cause des réserves d'hydrocarbures. Finalement, il y a eu un règlement. Cela dit, cette stratégie d'extension unilatérale du droit pénal aux États-Unis peut également se fonder sur la protection de valeurs universelles. Là, c'est plus étrange. Il y a une filiale de Royal Dutch, la Royal Dutch Petroleum, qui est poursuivie aux États-Unis dans une autre affaire, fondée sur diverses violations des droits de l'homme lors d'opérations au Nigeria. Je renvoie plus de détails sur ces questions à la conférence qu'avait fait Naomi Norberg et qui sera publiée prochainement dans un ouvrage sur le droit pénal des affaires comparées et internationales. Alors, ce qui nous intéresse ici, c'est le raisonnement juridique qui trouve son fondement dans un vieux texte américain de 1789, qui est le texte établissant des cours fédérales des États-Unis, c'est l'Alien Tort Claims Act, ATCA. C'est un texte qui dispose que les tribunaux fédéraux de première instance sont compétents pour statuer sur toute action civile intentée par un étranger en raison d'un délit commis en violation du droit des gens ou d'un traité auquel les États-Unis sont parties. Au fond, c'est un texte qui donne une compétence universelle aux juridictions, aux cours fédérales américaines, pour connaître de litiges entre étrangers commis à l'étranger au détriment d'étrangers. Tout à fait extraordinaire. Alors, ce n'est qu'une compétence civile, mais qui débouche sur de très fortes sanctions punitives, le système des sanctions civiles punitives américains. Au début du moment où on a redécouvert ce texte, c'est-à-dire la deuxième partie du XXe siècle, on a tout à coup redécouvert ce texte, et dans les années 70, il a surtout servi à poursuivre des responsables politiques pour des violations graves de droits de l'homme commises à l'étranger, par exemple l'apartheid en Afrique du Sud, ou des violations par des régimes autoritaires d'Amérique du Sud. Mais dans les années 90, on a redécouvert une nouvelle fois ce texte en relation avec la globalisation économique. Et là, il y a une deuxième série de poursuites qui débutent à l'encontre de sociétés multinationales. Alors, outre l'exemple de la Royal Dutch Petroleum, il faut citer Unocal, la sœur américaine de Total Final Elf, accusée d'avoir bénéficié du travail forcé des villageois lors de la construction d'un gazoduc en Birmanie. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que Unocal est poursuivie aux États-Unis sur le fondement de ce vieux texte de 1789, l'ATCA, pour complicité de travail forcé, meurtre et viol. Ils viennent d'ailleurs d'accepter un règlement amiable dans cette affaire. Et en même temps, la société Total Fina Elf est poursuivie devant la justice pénale française pour crime de séquestration. Ce qui montre l'extension unilatérale du droit pénal, et on voit aussi que l'extension n'est pas réservée aux États-Unis, puisqu'en l'occurrence, dans la deuxième affaire, c'est le droit français qui est la base des poursuites. Qui est la base des poursuites, en ce sens qu'une instruction a été ouverte par le parquet de Nanterre, elle est en cours encore à l'heure actuelle, sur la plainte d'anciens travailleurs forcés birmans à l'encontre des dirigeants de Total sur le chef de séquestration pour des faits de travail forcé qu'ils affirment avoir subis. Ce qui me paraît intéressant dans ces exemples, c'est qu'on voit peut-être qu'il faut nuancer les propos un peu binaires sur unilatéralisme, multilatéralisme. Les stratégies unilatérales n'excluent pas tout pluralisme. Au fond, il y a une différence entre les deux lois américaines, Sox et Atka. La première prévoit la transplantation du droit américain à la plupart des sociétés, alors que la deuxième, Alien Tort Claims Act, la loi 1789, prévoit l'extension du droit international à travers son application par le juge américain, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Seulement, le problème, c'est que la formule qui permet au juge américain de sanctionner des comportements commis à l'étranger par des étrangers sur des victimes étrangères, la formule de départ est extrêmement large, la violation du droit des gens, et tout traité, ou de tout traité ratifié par les États-Unis, c'est extrêmement large, ça ne pourrait pas fonder une poursuite pénale, ou alors il n'y a plus de principe de la légalité des délits et des peines. Malgré tout, il y a quelque chose d'international, donc d'un peu moins unilatéral dans le deuxième mécanisme. Alors il me semble que ça devrait nous faire réfléchir dans une perspective plus précise, peut-être, et plus conforme au principe de la légalité pénale, sur le rôle que pourrait jouer dans l'avenir les fameux principes proposés par la sous-commission de l'ONU, les droits de l'homme, sur la responsabilité des entreprises transnationales. On pourrait imaginer que si ces principes étaient adoptés, il y aurait une sorte d'incitation pour les juges nationaux à les intégrer comme source d'interprétation, source pour interpréter les qualifications pénales nationales quand on veut les appliquer dans un contexte transnational. Qu'il s'agisse du droit du travail, du droit de l'environnement ou des droits des sociétés. Dès à présent, si on regarde ce qui se passe dans cette affaire Total, dont l'instruction est ouverte à Nanterre, on voit que la partie civile a proposé de définir, d'interpréter le crime de séquestration qui est dans le code pénal français, en intégrant la définition internationale du travail forcé qui résulte notamment des textes de l'OIT, l'Organisation du Travail. Donc cette internationalisation du droit interne serait une façon d'introduire un peu de pluralisme, je ne dis pas beaucoup de pluralisme, mais peut-être un tout petit peu de pluralisme dans les stratégies unilatérales dont on pourrait renforcer la légitimité. Leur efficacité, on n'en doute pas, mais la légitimité, c'est une autre affaire. Alors maintenant, on pourrait dire qu'à l'inverse, il faut nuancer aussi du côté du multilatéralisme. Les stratégies multilatérales ne garantissent pas automatiquement le pluralisme. On sait par exemple que c'est sur l'initiative américaine et le plus souvent par transplantation du modèle américain que de nombreuses conventions internationales ont prévu le rapprochement des systèmes internes dans les domaines liés à la globalisation comme la corruption, le blanchiment, la criminalité organisée ou même le terrorisme international. C'est intéressant de noter que à l'OCDE, le groupe de travail qui est chargé de la mise en œuvre de la Convention de 1997 sur la corruption de fonctionnaires étrangers dans les transactions commerciales internationales utilise un concept qui peut sembler un peu étrange, qui est cité par Mark Pitt dans sa présentation de la Convention de l'OCDE, c'est un ouvrage qui va prochainement paraître. Ils utilisent le concept d'unilatéralisme collectif, collective unilatéralisme, pour décrire un dispositif qui, au fond, à partir de l'engagement unilatéral de chaque État, fait l'objet d'une évaluation collective par les pairs, en sachant que la reconnaissance d'une marge nationale d'appréciation, ce que la Convention de l'OCDE appelle le principe d'équivalence fonctionnelle, donc une marge nationale, produit finalement un effet collectif d'harmonisation, mais pas d'unification, y compris d'ailleurs pour les États non partis à la Convention. Je renvoie au développement plus technique que j'avais consacré l'année dernière sur ces questions. Donc, du côté du multilatéralisme, il n'y a pas un pluralisme garanti. Il peut intervenir en cours de route. On revient à cette idée des ajustements et des réajustements, mais il n'est pas garanti dès le départ. Le point de départ peut être la transplantation d'un modèle qu'on impose par une convention multilatérale à un ensemble d'États. Maintenant, on a un petit peu le mécanisme inverse avec la criminalisation liée à la répression des crimes internationaux dits les plus graves, à commencer par le crime contre l'humanité. Là, on a un phénomène qui fonde sa légitimité sur l'universalisme des valeurs sous-jacentes, mais qui ne garantit ni l'effectivité ni l'efficacité quant à l'application. Car l'application de ce droit pénal universel des crimes les plus graves suppose en réalité un soutien des États qui est loin d'être toujours accordé. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le principe de complémentarité affirme en réalité, j'ai déjà eu l'occasion de m'en expliquer, la subsidiarité de la compétence internationale de la Cour pénale internationale par rapport aux juridictions nationales qui sont en principe les premières compétentes. C'est la raison en même temps pour laquelle l'obligation du procureur d'enquêter et de poursuivre, le principe qu'on appelle en général la légalité des poursuites, est assouplie. C'est une légalité assouplie par une clause qui lui reconnaît à ce procureur le pouvoir de renoncer aux poursuites en fonction des intérêts de la justice. Alors, ce qui est très intéressant, j'étais à La Haye la semaine dernière, rencontrer justement le procureur et son équipe, c'est que dans l'application de cette formule des intérêts de la justice, le bureau du procureur reconnaît la nécessité de viser à la fois des critères de légitimité, la gravité des crimes, le comportement des suspects, les intérêts des victimes, mais aussi des critères d'effectivité, la faisabilité de l'enquête, la possibilité d'obtenir une arrestation, l'impact d'une éventuelle poursuite sur la situation locale. Et dans l'application de ces critères à des affaires particulières, le procureur reconnaît qu'il est nécessaire de combiner, de concilier l'universalisme de ces crimes internationaux et le pluralisme, c'est-à-dire concrètement, il accepte de tenir compte du contexte national, le cas échéant de procédures alternatives de réconciliation. Alors j'en viens à cette remarque que l'opposition entre stratégie unilatérale et multilatérale pourrait peut-être être dépassée en combinant les critères qui sont au fond les grands critères de validité des systèmes de droit, de la légitimité et de l'efficacité. Car les stratégies unilatérales, plutôt liées à la globalisation, ne devraient pas se limiter au seul critère de leur validité instrumentale. Pour être légitimes, ces stratégies devront intégrer des normes internationales et donc s'ouvrir un petit peu au multilatéralisme et au pluralisme. À l'inverse, pour les stratégies multilatérales plutôt fondées sur l'universalisme, on peut dire le contraire, elles ne peuvent s'affirmer sur le seul critère de leur légitimité, leur validité axiologique en termes de valeur. Elles ont besoin aussi, pour être effectives, de s'appuyer sur la coopération ou sur le renforcement de la justice nationale. Et à terme, on peut toujours rêver, il est toujours permis de rêver, on peut imaginer que les deux stratégies pourraient se rejoindre au profit d'une complémentarité pluraliste qui engloberait l'ensemble de l'espace pénal mondial. Alors, pour y arriver, pour réaliser ce rêve, prendra certainement beaucoup de temps, mais on peut déjà voir quelles sont les lignes directrices. Pour arriver en somme à ce rééquilibrage entre l'universalisme et la globalisation, je pense qu'il faut s'efforcer de concevoir ce droit pénal mondial, non pas comme un système, c'est-à-dire un ensemble autonome et fermé, mais plutôt comme un espace. Pas un espace bipolaire comme en Europe, puisque nous avons vu que la situation mondiale est plus complexe, mais comme un espace multipolaire, c'est-à-dire en fait un espace ouvert à tout un ensemble d'interactions verticales entre le droit international pénal et le droit pénal national, mais aussi horizontales entre le droit international pénal, le droit humanitaire, le droit international des droits de l'homme et le droit international général. Et là encore, je trouve que le travail qui se fait dans le bureau du procureur à la Cour pénale internationale est intéressant. Dans le mémorandum qu'ils ont mis sur Internet en mai dernier sur la notion d'intérêt de la justice, il se situe d'emblée, de façon intuitive en quelque sorte, pour interpréter le statut, dans un espace multipolaire. Il se réfère en effet au droit international pénal, ils utilisent les travaux préparatoires du statut, ils utilisent la jurisprudence des tribunaux pénaux ad hoc, mais il se réfère aussi aux systèmes nationaux en marquant le souci de respecter la diversité juridique, par exemple dans l'appréciation des intérêts des victimes ou dans l'analyse de la pertinence des procédures alternatives. Et enfin, ils font référence au droit international des droits de l'homme. Ils citent le texte du statut, d'ailleurs, l'article 23, paragraphe 3, et ils citent la jurisprudence des cours régionales sur les questions comme l'impunité ou le droit des victimes à un procès équitable. Mais en revanche, ce qu'ils ne peuvent pas faire dans le bureau du procureur, car seuls les juges de la Cour pourront le faire le cas échéant, c'est prendre position sur l'éventuelle suprématie du droit des droits de l'homme sur le droit répressif, fut-il mondial. C'est une question très délicate. Alors, vous vous souvenez, nous l'avons déjà abordée, les tribunaux pénaux ad hoc ont refusé de reconnaître une hiérarchie entre leur statut et le droit des droits de l'homme. Ils acceptent de se référer au droit des droits de l'homme et à la jurisprudence des droits de l'homme, mais de façon libre, de façon ouverte, et sans reconnaître un véritable principe de hiérarchie. Donc on verra ce que la Cour décidera le jour où la question va se poser devant elle. Et puis surtout, quand on parle de ce droit international pénal et de la Cour pénale internationale, on voit qu'on ne peut pas négliger le fait qu'il y a de fortes oppositions politiques qui limitent le jeu des interactions juridiques. Le droit a un certain pouvoir, il n'est pas tout puissant et il n'a aucun moyen de lever les blocages politiques. On le voit avec la situation actuelle paralysé, semble-t-il, je me réfère à un article du Monde il y a deux jours, au Conseil de sécurité, à propos de la situation au Soudan. Vous savez qu'il y a eu un rapport de la commission d'enquête, présidée par le professeur italien Antonio Cassese, sur le Darfour, qui conclut par une recommandation au Conseil de sécurité de saisir la Cour pénale internationale. Et il est soutenu d'ailleurs dans cette recommandation par le haut commissaire aux droits de l'homme. En effet, et c'est intéressant à noter au passage, c'est quand même une avancée du droit mondial, bien que le Soudan n'ait pas ratifié la Convention de Rome, on pourrait, pour les faits postérieurs à 2002, faire juger les crimes par la Cour pénale si le Conseil de sécurité en décidait ainsi. Donc c'est le Conseil de sécurité qui va trancher. Mais bien entendu, sans grande surprise, les États-Unis s'opposent à la saisine de la Cour alors que l'Europe essaye de faire pression. Donc, aux dernières nouvelles, le Monde du 19 mars 2005, le Conseil de sécurité est paralysé sur le Soudan. On va voir la suite. En tout cas, ce que j'en retiens pour mon analyse, c'est que cet espace pénal en formation ne stabilisera pas à lui seul l'espace juridique mondial. Du moins, pourrait-il fonder, par référence aux valeurs qui le sous-tendent, une sorte d'éthique de la mondialisation. Et ainsi contribuer à ordonner les interactions entre le niveau national, régional ou mondial, donc préparer au fond une recherche, une définition des conditions d'une stabilisation pluraliste. Et j'en viens donc à ce dernier volet, pour refonder le projet mondial, quelles seraient les conditions d'une stabilisation pluraliste, car je ne perds pas mon fil conducteur, je suis un peu obstinée dans ces matières, le pluralisme ordonné. Alors, il ne s'agit pas de revenir au projet initial de l'après-guerre. Je crois qu'il faut, au contraire, intégrer la complexité des données actuelles pour refonder un projet qui soit suffisamment pluraliste et évolutif pour être acceptable par tous. Et à cet égard, il me semble que la stabilisation des processus d'internationalisation du droit à l'échelle mondiale ne peut être pluraliste que si elle réussit à la fois à articuler verticalement le niveau régional et le niveau mondial et à dépasser au plan horizontal la fragmentation et la privatisation dont j'ai parlé au début. Il me semble que ce serait la seule façon de réconcilier l'universalisme et la globalisation. Alors, d'abord, la stabilisation verticale. J'ai déjà eu l'occasion de souligner la semaine dernière, quand j'ai parlé du niveau régional, que l'ordre apparemment logique n'est évidemment pas respecté. On ne va pas systématiquement passer du niveau national au niveau régional, puis au niveau mondial. Les choses sont beaucoup plus complexes. D'abord, il y a les relations interrégionales qui peuvent modifier le cours de l'intégration. Et puis, selon les domaines concernés, l'impulsion première peut être donnée au plan national, mais aussi au plan mondial ou au plan régional. Si on prend l'exemple du dispositif de Kyoto, il y a une première impulsion, d'une certaine manière, par le droit américain qui a défini un modèle. Et puis, ça s'est trouvé ensuite repris au niveau mondial, bloqué est relancée au niveau régional avec la ratification de la communauté européenne et l'application par anticipation imposée aux États par voie directive pour l'Europe. Et cela a peut-être contribué à la ratification de la Russie qui à son tour a permis l'entrée en vigueur du protocole à l'échelle mondiale. Donc il y a une sorte d'entrecroisement des différents niveaux normatifs qui ne correspond pas du tout à un enchaînement linéaire. Cela dit, quelles que soient ces discontinuités, on peut cependant soutenir l'hypothèse, sans doute sur la longue durée, d'une stabilisation progressive. C'est le modèle idéal que décrit par exemple Pascal Lamy dans un essai qu'il vient de publier sur la démocratie monde, où il fait observer que le régionalisme n'a rien de naturel, il dit « la géographie ne fait pas l'histoire », mais il ajoute, et il a quand même l'expérience comme négociateur pour la communauté européenne de plusieurs cycles à l'OMC, il ajoute que les constructions régionales pourraient constituer même une première approche de ce qu'il appelle une démocratie alternationale. Alors, il note que les constructions régionales constituent des matériaux réutilisables sur la scène mondiale, que les convergences qu'elles réalisent entre leurs membres dégagent des positions communes. Ces ensembles régionaux, dit-il, sont un premier lieu de synthèse où se fait l'apprentissage d'une première confrontation des préférences collectives, d'une mise à l'épreuve des choix communs, d'une pratique du compromis, d'une réduction de la méfiance. C'est un terme très important, le rôle de la méfiance dans ces relations internationales. Donc il considère que la position serait ainsi clarifiée et consolidée grâce au niveau régional au moment de prendre part à la discussion à l'échelle mondiale des questions globales. Seulement, il y a un certain nombre de conditions implicites. Il faut d'abord que des convergences existent. Il faut qu'au niveau régional, des positions communes puissent s'exprimer d'une seule voix. Et il faut que des préférences collectives reflètent en effet des choix communs. Autrement dit, cette stabilisation verticale supposerait que les ensembles régionaux jouent le rôle de laboratoire de la mondialisation. C'est une expression qu'on a parfois utilisée à propos de l'Europe, mais l'Europe n'a pas un monopole, même si son ancienneté permet peut-être d'expliciter certaines conditions de forme et de fond. On peut bien au-delà de l'Europe imaginer cet effet de laboratoire pour d'autres régions. Les conditions sont néanmoins pas toujours remplies à l'échelle régionale. Il faut d'abord que les États membres aient délégué une partie de leur souveraineté à l'organisation régionale pour les négociations mondiales. C'est pas toujours le cas. Il faut que l'organisation régionale puisse être représentée, comme l'est la communauté européenne à l'OMC, par une personne unique. Il y a quelquefois des conflits, même à l'échelle européenne, dans le débat sur les OGM, sur les organismes génétiquement modifiés. On avait vu une lutte entre le responsable de la santé, celui de l'environnement et celui du commerce. Et puis, d'une région à l'autre, c'est vrai que les situations sont très différentes et les réticences sont fortes avant de consentir de telles délégations. Il y a encore une autre nuance qu'il faut apporter au rôle que la région pourrait jouer dans la stabilisation verticale. C'est que si on doit exprimer des convergences régionales, il faut qu'il y ait une construction reposant sur une solidarité. Or, l'idée de solidarité n'est pas admise dans toutes les organisations régionales. On a vu qu'elle ne figure pas dans les espaces de libre-échange, comme l'ALENA en Amérique du Nord ou l'APEC. Donc, il y a un certain nombre de difficultés pratiques qui rendent difficile le rôle de laboratoire des organisations régionales dans la stabilisation de l'ensemble mondial. En réalité, pour favoriser ce rôle de laboratoire, il faut travailler sur cette notion de position commune. Et c'est un travail préparatoire complexe que chaque organisation régionale est supposée effectuer, et qui est un travail qui, à mon avis, ne serait efficace que s'il est à la fois politique et juridique. C'est-à-dire si politiquement, chaque région essaye de rapprocher les choix de valeurs, d'exprimer des choix communs en termes de valeurs, ce que Lamy appelle dans son texte les préférences collectives. Mais en même temps, il y a un travail juridique d'harmonisation et parfois d'hybridation. Si on a des normes communes à l'échelle régionale, il est plus facile de négocier ensuite d'autres normes communes à l'échelle mondiale. Si on arrive en rang dispersé, on est évidemment beaucoup moins efficace. Cela étant, même si on arrive à réunir ces conditions, le projet d'ensemble n'est pas reconstitué pour autant. Car on peut avoir une sorte de risque de divergence entre un niveau régional qui serait partiellement intégré, qui serait partiellement ordonné, et un niveau mondial qui resterait chaotique, décentralisé, et en plus, en grande partie, peu transparent. Je me réfère aux critiques qui ont été faites notamment par Astrid Lépinet dans l'ouvrage « Le droit saisi par la mondialisation » quand elle travaille sur européanisation et mondialisation. Autrement dit, il reste à dépasser la fragmentation et la privatisation par ce que j'ai proposé d'appeler une stabilisation horizontale. Et là, je crois, en effet, que l'intégration mondiale restera chaotique et désordonnée tant que la globalisation se traduira par l'adoption de normes et d'institutions sans relation avec des valeurs communes. Le vrai projet commun, c'est là qu'il faut le trouver. Alors, le problème des institutions, je le laisse de côté pour cette année. En fait, j'ai plus ou moins l'idée l'année prochaine de consacrer mon cours à la refondation des pouvoirs et ce sera l'occasion de regarder de près tous les projets de réorganisation institutionnelle, que ce soit pour l'ONU, pour les institutions financières, pour l'OMC, pour l'OIT, etc. Cette année, je me limite au point de vue strictement normatif. Et là, de ce point de vue, je pense que ce dont on aurait besoin pour une stabilisation horizontale, c'est en fait de retrouver une boussole. Une boussole qui indique la direction à suivre. C'est nécessaire si on veut fonder un projet commun qui ne soit pas simplement le choix imposé par le pays le plus puissant aux autres. Alors, au fond, si on a un peu le sentiment que la boussole de la Déclaration universelle a été cassée, elle a été cassée par la séparation en deux catégories de droits, l'idéal, ça serait de pouvoir la réparer en réunifiant l'ensemble des droits fondamentaux et en développant la judiciarisation des mécanismes de recours, en arrivant à créer cette Cour mondiale des droits de l'homme qui n'existe pas. Bon, cela étant, il faut aussi rester réaliste et tenir compte du refus politique qui sera sans doute opposé pendant un certain nombre d'années encore par beaucoup de pays, des États-Unis à la Chine, en passant par la Russie, les pays d'islam, ou d'autres encore. Ce qui n'interdit pas alors de chercher des pistes. Alors il me semble qu'il y a une première piste qui est offerte plutôt au travail des juges, c'est que sans modifier les textes existants, les juges peuvent déjà reconnaître à certains droits fondamentaux le caractère de jus cogens, c'est-à-dire de normes impératives du droit international général applicable à tous les États, indépendamment de leur appartenance ou non à un traité déterminé. Et là, il faut reconnaître que la Cour internationale de justice est très prudente, pour ne pas dire frileuse en la matière. Mais les cours régionales des droits de l'homme, et notamment la Cour européenne, la Cour interaméricaine, font figure de pionniers. Donc là, on a une sorte de combinaison des phénomènes verticaux et horizontaux, que nous avons d'ailleurs déjà observé quand j'ai parlé des entrecroisements et de l'exemple de ce que j'ai appelé le dialogue des juges à propos de la peine de mort. On a vu que le mouvement, non pas d'abolition, mais vers une abolition ou une restriction de la peine de mort, avait été déclenché par la Cour européenne des droits de l'homme, relayé par la Cour internationale de justice et les cours constitutionnelles nationales, et puis relancé par un avis de la Cour interaméricaine. En matière de jus cogens, c'est à une échelle plus large que le problème de la peine de mort, c'est peut-être un petit peu la même chose qui pourrait se produire, d'autant que la Cour interaméricaine vient de se placer de nouveau en première ligne. Elle a rendu un avis très ambitieux en 2003 sur la condition juridique et les droits des travailleurs migrants. Selon la formule qui a été utilisée par le juge mexicain Sergio Garcia Ramirez, qui est depuis devenu le président de la Cour interaméricaine, la Cour veut aider à déplacer les montagnes. C'est très volontariste comme programme. Et l'avis a en effet beaucoup d'audace. Il a été adopté à l'unanimité. C'était Éloge du savoir. Aujourd'hui, le Collège de France avec Mireille Delmas-Marty. Présentation, Christine Goémé. Réalisation, Jeanne Cherquefos. J'oublie. La radio. Les voix. Les hommes. Les voix. Barbati, tu m'enseignes. Je m'en souviens. Imana. Les hommes. Les voix. Mémoire vive. Memoria viva. Memoria viva. Tu m'impliques. La radio. J'apprends. Écoutez. Vous êtes sur France Culture. Le matin, c'est la plus belle image du monde. On devrait l'encadrer. Vous êtes sur France Culture. Votre matinée sur France Culture, les chemins de la connaissance, cette semaine à 11h30, nous propose à ralentir travaux Philippe Descola. Né en 1949 à Paris, Philippe Descola, après plusieurs années d'enquête ethnographique en Amazonie, a été nommé maître de conférences, puis directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Depuis juin 2000, il est professeur au Collège de France. 11h fiction au feuilleton, une nouvelle histoire en 20 épisodes à suivre dès aujourd'hui et qui nous fait traverser le 20e siècle. Il s'agit des nouvelles confessions de William Boyd. L'histoire de